Ouais, je sais ça. Sinon, négocie avec les. Non, mais je suis pas sur Gemtaba. Arrêtez, Gemtaba. Je suis pas sur Gemtaba. Je peux dire que je suis sur Reaper qui a marqué 44.1, 24 bits. Et je suis pas en 24 bits. C'est ça que je comprends pas. Ça dépend des jours en plus, ça dépend des jours. Donc ça s'explique pas si ça dépend des jours. Ouais, il y a cette solution. Ça craque quand il joue. Ah, c'est le looper, ça, c'est ça, Bilos? C'est le truc que t'as là? J'ai regardé ton mail. TC électronique, non, c'est ça? Attends, on va arriver. Et là, et là, et là, et là, et là.